إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني الكرام أهلا ومرحبا بكم نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يجعل هذه المجالس خالصة لوجه الكريم Nous sommes le 21 du mois de Rajab de l'an 1440, ce qui correspond au jeudi 28 mars. Et le sujet, comme ça a été propagé, est « Aqidatu ahli sunnati wal jama'a » la croyance des gens de la sunna et du groupe. Ce sujet est le sujet le plus important, celui qui mérite de notre part la plus grande concentration et les plus grands efforts afin de le comprendre, de l'assimiler, de le vivre, de le pratiquer, de le transmettre, de l'enseigner et de veiller à ne rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala qu'avec cette bonne croyance. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. À la fin de sourate At-Talaq, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit sur la traduction des sens de ce verset: Allah est celui qui a créé sept cieux et pareillement pour les terres, c'est-à-dire sept. L'ordre se succède entre les deux pour que vous sachiez. Et toute cette création, tout cela pourquoi? Pour que vous ayez la science, pour que vous sachiez qu'Allah est parfaitement omnipotent et qu'Allah a embrassé de sa science toutes choses. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a créé pour que nous sachions. Et dans l'autre verset, وَمَا خَلَقْتُ الْدِينَ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait le premier pour que nous fassions le deuxième. Allah a tout créé pour qu'on le connaisse, pour qu'on l'adore seul d'un culte sincère. Et cette croyance, c'est ce qui sera dévoilé yawm al-qiyamah. Cette croyance, c'est ce qui sera exposé يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى نريد القرآن وحصل ما في الصدور. Le contenu des poitrines sera dévoilé, c'est-à-dire les cœurs avec ce qu'ils contiennent comme croyance, comme l'a dit Ibn Athaymin رحمه تعالى. Et la chose qui te sauvera, Inch'Allah ta'ala, par la permission d'Allah, yawm al-qiyamah, c'est la bonne croyance, la croyance authentique. Et on trouve dans le Coran l'invocation d'Ibrahim alayhi salam, puis يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Le jour où sera d'aucune utilité, que ce soit l'argent, que ce soit les enfants, tout cela sera d'aucune utilité. Illa, exception faite, man atallaha biqalbin salim, de celui qui viendra à Allah avec un cœur sain. Le cœur sain, comme l'expliquent les savants, c'est le cœur qui a été préservé du polythéisme, de la mauvaise croyance, des innovations et des mauvaises choses. Donc l'étude de l'aqida, l'étude de la croyance, est le point le plus important. Ajoutez à cela, ikhwan al-kiram, qu'avec la bonne croyance, tu vois tes actions acceptées et agréées chez Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit dans son noble livre, من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. Celui qui fait de bonnes actions, qu'il soit un homme ou une femme, tout en étant croyant avec cette bonne croyance, on lui fera vivre une bonne vie. On lui fera vivre une bonne vie. Donc il n'y a pas de bonheur ni de réussite dans ce bas monde, dans la tombe, ni dans l'au-delà, si ce n'est avec la bonne croyance. Inna aqidata ahli sunnati wal jama'ah aqidatu al-Qur'ani wa sunnah aqidatu as-salaf as-salih As-salafi salih. Certes, la croyance des gens de la sunna et du groupe, c'est la croyance du groupe sauvé. C'est la croyance des pieux prédécesseurs, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, radiallahu anhu, et l'ensemble des compagnons, puis ceux qui les ont suivis avec excellence. Et il n'y a rien de meilleur que la bonne croyance. L'imam al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala rapporte d'Ibn Aoun rahimahullahu ta'ala qu'il est entré avec al-Sahnoun rahimahullahu ta'ala chez Ibn al-Qassar alors qu'il était dans sa maladie de mort. Il a vu son visage, la peur. Alors, il lui a dit, que t'arrive-t-il? Il lui a répondu, Al-Maut, il a peur de la mort, Wal-Qudum, Al-Allah Azza wa Jal. Et le fait que je vais être présenté à Allah Azza wa Jal et aller vers lui. Alors il lui a dit, Alesta tu'minu billahi, Wal-Ba'thi wal-Nushur, Wal-Hisabi, Wal-Jannati wal-Nar. وأن أبا بكر خير هذه الأمة ثم عمر وأن الله مستو على عرشه وأنه يرى يوم في القيامة وأنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور أو على الأئمة وإن جاروا. قال نعم. قال فمت إن شئت. Il lui a donc été dit, n'as-tu pas comme croyance? Est-ce que tu ne crois pas en Allah, en la résurrection, au jugement dernier? Ne crois-tu pas au paradis et à l'enfer? Et le fait qu'Abu Bakr soit le maire de la communauté, puis Omar, et qu'Allah est élevé au-dessus de son trône, et qu'il sera vu le jour de la résurrection, et qu'il n'est pas permis de sortir et de se révolter contre les gouverneurs, même s'ils transgressent, même s'ils ont des péchés. Alors Ibn al-Qassar a dit, « I wallah, ni par Allah, ceci est ma croyance. » Alors, Al-Sahdan Rahimahullah lui a dit, alors meurs si tu veux. C'est-à-dire que celui qui meurt sur la bonne croyance, il rencontre Allah avec tout le bien. Et il fut dit à l'imam Ahmad Rahimahullah Ta'ala, Inna fulanan qad mat, un tel est décédé. Alors l'imam Ahmad a demandé, Akana ala sunnah, est-ce qu'il était sur la sunnah? Est-ce qu'il avait une bonne croyance? On lui a dit oui. Il a dit, Idan kharaja bil khayr kulli. Alors il s'en est allé, il est parti avec tout le bien. Ou comme قال رحمه الله تعالى. La première chose qu'il nous faut savoir, c'est que la croyance de Ahli Sunnah wal Jama'a, c'est la croyance authentique. La croyance du Coran et de la Sunna, la croyance des pieux prédécesseurs, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali et l'ensemble des compagnons, puis ceux qui les ont suivis avec excellence. Et j'ai oublié de mentionner que cette conférence est tirée d'une conférence de Cheikh Abdussalam ibn Burgess, rahimahullah ta'ala. Et cette conférence, il l'a donnée, Bayna Yaday, Al-Allama, l'imam, l'mufti, Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Cette croyance est la croyance du groupe sauvé, au sujet duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, La tazalu ta'ifatun min ummati. Il ne cessera d'y avoir un groupe de ma communauté, al-haqqi, sur la vérité, la yadurruhum man khazalahum, ne leur nuira en rien ceux qui les trahissent, wala man khalafahum, ni ceux qui les contredisent, hatta ya'ti amrullah, wa hum ala dhalik, jusqu'à ce que l'ordre d'Allah vienne, les trouvant dans cet état. Donc voici la croyance qu'il nous faut étudier, adopter. Celle qui est tirée du Coran et de la Sunna, celle qui a été enseignée par les savants et adoptée par la masse des musulmans. Quant à ceux qui contredisent la croyance des gens de la Sunna, alors ils sont dans un égarement évident et ils s'avancent d'un danger, et ils sont dans un danger et dans des égarements. Mu'awiyah radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Iftaraqat al-yahud ala 71 firqa wa iftaraqat al-nasara ala 72 firqa wa sataftariqu hadhihi al-umma ala 73 firqa kulluha fi an-nar illa wahida. Qila man hiya ya rasulallah? Qala al-jama'a. Le prophète alayhi salatu wa sallam dit, comme c'est rapporté par Mu'awiya radiallahu anhu, عند Ahmad wa Abi Daoud, rahimahumallah, que les gens du livre se sont divisés en 71 et 72 groupes, et que ma communauté se divisera en 73 groupes. Ils sont tous menacés du feu. Ils sont tous au feu, sauf un groupe. Lequel, au messager d'Allah, il a dit, Al-Jama'a. Al-Jama'a. Qui est Al-Jama'a? Qui est ce groupe-là? Ce sont ceux qui sont restés sur la voie des compagnons. Ce sont ceux qui ont pris le Coran comme guide, qui ont pris le prophète alayhi salatu wassalam comme guide, et qui ont compris le Coran et la Sunna comme cela a été compris par les sahaba, puis ceux qui les ont suivis avec excellence, radiallahu anhum. Ahlu sunnati wal jama'a, les gens de la Sunna et du consensus ou du groupe, sont ceux qui se sont cramponnés à la sunna, se sont réunis sur la sunna. Ils ont été appelés al-firqatul nadia, le groupe sauvé, wa ta'ifatul mansoura, car ils ont été préservés dans ce bas monde de l'égarement et des passions, ils seront préservés dans l'au-delà, incha'Allah, du feu et de la perdition. Ahli sunnati wal jama'a, c'est un seul groupe. C'est un seul groupe. Et ils ne voient pas la permission de la division. Ahli sunnati wal jama'a, laysa lahum min al-asma'i ma yu'arafuna biha illa sunnah. Les gens de la sunna ne prennent pas de surnoms par lesquels ils font scission d'avec le groupe, comme Al-Khawarij ou Al-Asha'ira ou Al-Mu'tazila ou Al-Murji'a ou autres. Mais ils ne font que se référer à la sunna et tout ce qui s'y rapporte. Ils ne se réfèrent pas aux gens en dehors du prophète alayhi salatu wassalam, ni au groupe innové après la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Et nombreux sont les savants qui ont écrit dans la sunna et qui ont titré leurs livres de la sorte, comme l'imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, comme Ibn Abi Shayba, comme Al-Lalaka'i, comme Ibn Abi Asim, et beaucoup d'autres parmi les imams et les grands savants de la sunna. Puis ceux qui sont venus après eux, comme Ibn Abdil Barr, ou bien Ibn Qudama, rahimahullah, ou bien Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, ainsi que ses élèves Ibn al-Qayyim et d'autres, comme Ibn Kathir, Ibn Rajab. Puis ceux qui sont venus après eux, comme Sheikh al-Islam Muhammad Ibn Abdil Wahhab, rahimahullah ta'ala, ses petits-enfants et ceux qui sont restés sur la bonne voie après eux, comme Cheikh Mohammed ben Ibrahim rahimahullah ta'ala, ou son élève Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Ibaz rahimahullah ta'ala, ou Cheikh Saleh al-Fawzan, et beaucoup d'autres parmi les grands savants de l'islam. Et on va citer inshallah ta'ala un résumé sous forme de points succincts de la croyance, des points de la croyance des gens de la sunna et du groupe. فمن جملة ذلك أن أهل السنة والجماعة يعتقدون بأن الله تعالى هو المتفرد بالخلق والملك والتدبير. Premièrement, les gens de la sunna et du groupe ont comme croyance ferme qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul créateur, le seul propriétaire et le seul gérant des cieux et de la terre, subhanahu wa ta'ala, et de tout ce qui s'y trouve entre les deux. Et c'est ce qu'on appelle Tawhid al-Rububiyya. Allah nous dit dans le Coran, Allahu khaliq kulli shay. Allah est le créateur de toutes choses. Il nous dit également, inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'al 'arsh yughshi al-layla an-nahar yaqulubuhu hathitha wash-shamsu wal-qamara wan-nujuma musakhkharatin bi amri ala lahu al-khalqu wal-amr tabarakallahu rabbul 'alamin. Certes, votre Seigneur est celui qui a créé les cieux et la terre en six jours, puis s'est élevé au-dessus du trône. Il fait couvrir la nuit du jour, et il n'y a pas d'interruption entre les deux. Et l'ensemble du soleil, de la lune, des étoiles, tout cela est administré par son ordre, à lui la création et l'ordre. Immensifié soit Allah le Seigneur des mondes. Et cette forme de tawhid, personne ne la rejette, si ce n'est par orgueil. Même Kuffar Quraysh reconnaissait cela. Il reconnaissait qu'Allah est le seul créateur, le seul maître, le seul propriétaire, le seul gérant, celui qui fait descendre la pluie, celui qui soigne le malade, qui guide l'égaré. Il reconnaissait tout cela. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَقُولُونَ اللَّهِ. Si tu leur demandes, au messager d'Allah, ses associateurs, qui est-ce qui a créé les cieux et la terre, ils répondront, ils diront, Allah. Ils diront, c'est Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé cette forme de tawhid qu'ils ont reconnue pour les blâmer sur l'autre forme de tawhid dans laquelle ils n'ont pas unifié Allah, c'est-à-dire tawhid al-uluhiyya. L'unicité d'Allah dans l'adoration, dans la divinité. Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne dans le Coran qu'il est le seul maître, le seul seigneur des cieux et de la terre. S'il en est ainsi, c'est le seul qu'on doit adorer. On doit l'adorer seul d'un culte sincère, subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla les a appelés à cela. فَلِيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Ils adorent donc le seigneur de cette maison, de la Kaaba. الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ. Celui qui les a nourris de la faim. وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Et leur a accordé la sécurité après la peur. Il nous dit également, يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Ô vous les gens, adorez votre Seigneur, celui qui vous a créé vous, ainsi que ceux qui vous ont précédés. Afin d'atteindre la piété. Dans un autre verset, ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ. Voici Allah, votre Seigneur, à lui appartient la royauté. La ilaha illahu. Nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée si ce n'est lui. Donc, tawhid rububiyya yastalzimu tawhid al-uluhiyya. Donc, celui qui reconnaît qu'Allah est le seul maître, le seul créateur, le seul gérant, le seul maître, propriétaire, il se doit d'unifier Allah dans le culte. Il se doit d'adorer Allah Azza wa Jal seul d'un culte sincère. Et cela nous amène au deuxième point. Parmi les points de la croyance des gens de la Sunna et du groupe, أنهم يثبتون لله ما أثبته لنفسه أو أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى من الأسماء الحسنى والصفات العلى لا يتجاوزون القرآن والحديث. Le deuxième point, parmi les points de la croyance des gens de la Sunna et du consensus, le fait qu'ils affirment pour Allah ce qu'il s'est affirmé à lui-même ou lui a affirmé le messager sallallahu alayhi wa sallam comme nom sublime et comme attribut parfait. Et dans ce domaine, il se base exclusivement sur le Coran et la Sunna acceptée. Il ne dépasse pas la révélation. Il dit sur Allah que ce qu'il a dit sur lui-même ou a dit sur lui le messager sallallahu alayhi wa sallam. وَيَنْفُونَ مَا نَفَى اللَّهُ عَنْ نَفْسِهِ وَنَفَى عَنْهُ رَسُولُهُ الْكَرِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Tout comme ils infirment, ils rejettent ce qu'Allah a rejeté le concernant ou a rejeté à son sujet le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire comme défaut, comme imperfection et comme similitude avec ses créatures, subhanahu wa ta'ala. Et leur base est celle-ci qu'a nul n'est plus savant sur Allah qu'Allah lui-même. Nul ne connaît mieux Allah qu'Allah lui-même, subhanahu wa ta'ala. Et nul n'est plus véridique en parole qu'Allah lui-même. Na'am. Et nul n'est plus éloquent dans ses paroles qu'Allah lui-même, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que dans ce domaine-là, on prend du Coran. Allah nous dit, أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ. Êtes-vous plus savant, vous, ou bien Allah? Aussi, ils prennent les paroles du prophète, alayhi salatu wassalam, car c'est le plus savant concernant Allah, subhanahu wa ta'ala, parmi les créatures d'Allah. Comme il le dit dans le hadith, أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ. Je suis le plus savant au sujet d'Allah. Je suis celui qui connaît le mieux parmi vous, Allah. Allah nous dit dans le Coran, وَلَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَى. Et il ne parle pas selon la passion, ça n'est qu'une révélation inspirée. Ça n'est qu'une révélation inspirée. وَلَا يَخُذُونَ فِي كَيْفِيَةِ صِفَاتِ اللَّهِ. Ajoutez à cela qu'il n'entre pas dans la recherche du comment des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils abandonnent plutôt cela à Allah tabaraka wa ta'ala. Allah a un comment, mais seul lui le connaît. Donc voici trois bases chez Ahli Sunnati wal Jama'a dans l'unicité d'Allah, dans ses noms et ses attributs. Ils affirment tout ce qu'Allah s'est affirmé où lui a affirmé le prophète alayhi salat wa salam, sans faire ressembler à Allah ses créatures et sans rechercher son comment. Deuxièmement, il rejette tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rejeté ou a rejeté le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à son sujet, sans rejeter ce qu'Allah a affirmé. Et troisièmement, il ne recherche pas le comment, mais il l'abandonne à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit dans le Coran, « Laysa kamithli shay'un wa huwa sami'ul basir » Il n'y a rien qui lui soit similaire, et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Il nous dit également, لم يل ماذا ولم يكن له كفوا احد nul ne lui est égal. هل تعلم له سميا lui connais-tu un homonyme? لا تضرب لله الامثال فلا تضرب لله الامثال ولا يحيطون به علما. Ils ne l'embrassent pas de sa science ou de leur science. Ils ne peuvent pas connaître le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ Et Allah nous dit, et ne suis pas, et ne suivez pas ce dont vous n'avez pas science. فَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هُوَ الْأَوَّلِ فَلَيْسَ قَبْلَهُ شَيْءٍ وَهُوَ الْآخِرِ فَلَيْسَ بَعْدَهُ شَيْءٍ وَهُوَ الظَّاهِرِ فَلَيْسَ فَوْقَهُ شَيْءٍ وَهُوَ الْبَاطِنِ فَلَيْسَ دُونَهُ شَيْءٍ Allah subhanahu wa ta'ala est le premier, il n'y avait rien avant lui. C'est le dernier, il n'y a rien après lui. C'est le plus haut, il n'y a rien au-dessus de lui. C'est le batin, il n'y a rien sous lui. Allah subhanahu wa ta'ala est parfaitement omnipotent et savant de toutes choses. C'est le seul qui mérite d'être adoré. Le seul qui mérite qu'on se dirige vers lui de par sa perfection dans toutes nos affaires. Lam yalid wa lam yulad, il n'a pas enfanté, n'a pas été enfanté. Huwa al-hayy al-qayyum, c'est le vivant par excellence. Al-qayyum, personne ne peut subsister sans lui. Et lui, il se passe largement des mondes, subhanahu wa ta'ala. Mustawin al-arsh, il est élevé au-dessus du trône. Wa huwa fil-ulu, subhanahu wa ta'ala. Fa amintum man fis-sama'. Vous sentez-vous à l'abri de celui qui est au-dessus des cieux? Ayarsifa bikum al-ard. Ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal-'amalu as-salih yarfa'uhu. Vers lui remonte la bonne parole et la bonne action, il l'élève. Et nous avons comme croyance, en plus du fait qu'Allah est élevé au-dessus des cieux, au-dessus de son trône subhanahu wa ta'ala, أن الله يتكلم بما شاء كالله parle de ce par ce qu'il veut سبحانه وتعالى par ce qu'il veut ومن أصدق من الله حديثا qui est plus véridique qu'Allah en récit ومن أصدق من الله قيلا qui est plus véridique qu'Allah en matière de parole وكلم الله موسى تكليما et Allah a parlé à Moussa de vive voix وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. Donc Allah subhanahu wa ta'ala comme attribue la parole, il parle à qui il veut subhanahu wa ta'ala, yom al-qiyama, il parlera à l'ensemble des créatures, bisawt, avec une voix, il sera entendu subhanahu wa ta'ala. Et parmi la parole d'Allah, le Qur'an al-Karim, c'est sa meilleure parole subhanahu wa ta'ala. Wa anna Allah yura yom al-qiyama, et Allah sera vu yom al-qiyama, il sera vu au paradis également. Le point suivant, وَمِنْ جُمْلَةِ اعْتِقَادِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَعَةِ أَنَّهُمْ يُفْرِدُونَ اللَّهَ بِالْعِبَادِ. Parmi les points de la croyance des gens de la sunna et du groupe, le fait qu'ils unifient Allah de par le culte, de par l'adoration, ils adorent Allah seul, sans associé. Et ils ont comme croyance ferme que nul ne mérite l'adoration en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَقَدْ عَرَّفَ الْعِبَادَةِ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بداية كتابه العبودية فقال هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ابن تيمية رحمه الله تعالى au début de son livre العبودية a défini l'adoration comme étant un nom général, englobant tout ce qu'Allah aime et agrée, comme parole et action, qu'elle soit apparente ou cachée, comme la prière, comme le jeûne, comme le hajj, comme l'amour, la crainte, l'espoir, le sacrifice, le vœu, le serment et autres. Et tout ce qu'Allah aime et agrée comme adoration, tout cela est le droit d'Allah. Allah nous dit dans le Coran, « Ala lillahi d-dinul khalis » Au début de Sourate Az-Zumar, n'est-ce pas Allah qu'appartient à la religion pure? Il nous dit également, « Wa ma umiru illa li'abudullaha mukhlisina lahuddin hunafaa wa yuqimu s-salata wa yu'tu z-zakata wa dhalika dinul qayyima » Il ne leur a cependant été ordonné que d'adorer Allah seul d'un culte sincère. Ou d'un culte sincère, d'accomplir la prière, de s'acquitter de la zakat, voici la religion droite. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, Haqqullahi al-ibad, an ya'budu wa la yushriku bihi shay'a. Le droit d'Allah sur ses serviteurs qu'il l'adore sans jamais rien lui associer. Sans jamais rien lui associer. Et c'est avec cela qu'Allah azza wa jal a envoyé l'ensemble des messagers. Et c'est cela qu'il a révélé dans l'ensemble de ses livres. Et c'est la base du prêche de tous ces prophètes et messagers. Puis ceux qui les ont suivis avec excellence. Il nous dit dans son livre, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا Et nous avons envoyé dans chaque communauté un messager. أَنْ اِعْبُدُ اللَّهَ وَجَتَنِبُ الطَّارُوتِ Pour leur dire, n'adorez qu'Allah, éloignez-vous du tarout, de ce qui est adoré en dehors de lui. Comme Allah nous le dit dans Sourate Al-Nahl. Et dans Sourate Al-Anbiya, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُوهُ Ils n'avons pas envoyé avant toi de messager si ce n'est en lui révélant. Nulle divinité n'est digne d'être adorée si ce n'est moi, adorez-moi donc. Voici le prêche de l'ensemble des prophètes et des messagers. Et c'est la sagesse pour laquelle Allah Azza wa Jal nous a créé. وَمَا خَلَقْتُ الْدِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ Ô vous les gens, adorez votre Seigneur. Et je n'ai créé les dieux et les hommes que pour qu'ils m'adorent. C'est la sagesse de la création. C'est le but ultime de la création. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a tous créés. Que la prière, le tawakkul, fait de compter sur Allah, l'amour, la crainte, l'espoir, la prière, le vœu, le serment, le sacrifice, la prosternation, pour que tout cela soit voué exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man sarafa shay'an min hadhihi al-ibadah li ghayri Allah fa huwa mushrikun kafir. وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة Celui qui prend une forme d'adoration et l'attribue à autre qu'Allah Azza wa Jal et vous le culte à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est un polythéiste il est sorti de l'islam et certes L'invocation et l'adoration. Allah nous dit, selon la traduction des sens de ce verset, celui qui invoque avec Allah une autre divinité, sans pour autant avoir de preuves, c'est-à-dire que toute personne qui adore autre qu'Allah n'a pas de preuves sur cela. Sa rétribution ne sera qu'auprès de son Seigneur. Certes, ne réussissent pas ceux qui mécroient. C'est pour ce tawhid, Tawhid al-uluhiyya, Tawhid al-ibada qu'Allah a révélé les livres, a envoyé les messagers. Et c'est sur cela qu'il y a eu la dispute entre les prophètes et les messagers. Allah nous dit, وَيُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالْرُّوحِ بِأَمْرِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِ أَنْ أَنْذِرُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونَ يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالْرُّوحِ Il fait Ou Ar-Ruh, j'ai oublié le verset, il fait descendre les anges. Vous regarderez la suite de la traduction. Avec son ordre, sur qui il veut parmi ses serviteurs, afin qu'ils avertissent qu'il n'y a point de divinité réellement digne d'être adorée si ce n'est lui, ou bien si ce n'est moi, Allah, c'est-à-dire Allah, craignez-moi donc. Celui donc qui perd ce tawhid, qui n'a pas ce tawhid, il n'a pas le tawhid qui le sauve dans ce bas monde, dans sa tombe, et dans l'au-delà. Le point suivant, وَمِنْ جُمْلَةِ اعْتِقَادِهِمْ إِيمَانُهُمْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَإِيمَانُهُمْ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. Le point suivant, parmi les points de la croyance des gens de la Sunna et du groupe, ils ont foi en Allah, ses anges, ses livres, ses messagers, le jour dernier, et ils ont foi au destin qu'il leur soit favorable ou défavorable. Quant à la foi en Allah, c'est ce que nous avons déjà défini. C'est-à-dire qu'ils ont foi en son existence, premièrement. Deuxièmement, en sa seigneurie, qu'il est unique, créateur, propriétaire et gérant. Troisièmement, il est unique à mériter l'adoration. Et quatrièmement, il est unique dans sa perfection, dans ses noms et ses attributs. Subhanahu wa ta'ala. Donc tu dois savoir qu'Allah est parfait, il n'a pas de défaut et c'est le seul qui mérite l'adoration, c'est le maître absolu et l'unique seigneur des mondes. Deuxièmement, les gens de la sunna ont foi aux anges, ils ont foi en leur existence. Ils n'ont aucun doute sur leur existence. Ils sont présents, ils ont été créés de lumière. Ils ont foi aux noms desquels ils ont eu connaissance. En la description, lorsqu'ils en ont eu connaissance, en leur mission, lorsqu'ils en ont eu connaissance, leurs actions, lorsqu'ils en ont eu connaissance. Parmi eux, il y a Jibril, l'ange de la révélation. Parmi eux, il y a Mikaïl, l'ange chargé de la pluie et de la végétation. Parmi eux, il y a Israfil, l'ange chargé de souffler dans la trompe à deux ou trois reprises. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Jibril sous sa forme sous laquelle il a été créé par Allah. Il avait 600 ailes et il couvrait sa vue. Il l'a vu deux fois ainsi. Il l'a vu à deux reprises ainsi. Sinon, il lui venait sous l'apparence humaine et souvent, il ressemblait à un compagnon qui s'appelle Dihya, radiallahu anhu. Allah nous dit « Man kana aduwan li Jibril » فَإِنَّهُ نَزَّلَ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ. Quant à Mikaïl, dans lequel l'imam Ahmed, le hadith d'Anas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Jibril, « Ya Jibril, مَا لِي لَا أَرَى مِكَاِيلَ ضَحِكًا قَطْ. » Ô Jibril, comment se fait-il que je n'ai jamais vu Mikaïl rire ou sourire? Jibril lui a répondu, « مَا ضَحِكَ مُنْدُ مَا خُلِقَتِ النَّارِ. » Il n'a plus jamais souri ou jamais ri depuis que l'enfer a été créé. Depuis que l'enfer a été créé. Ces trois anges sont les meilleurs anges. Et tous ont rapport avec la vie. Jibril, la vie des cœurs, avec la révélation. Mikaïl, la vie des corps. Avec la pluie et la végétation, il a la subsistance des corps. Et Israfil, la vie éternelle après la résurrection. Troisièmement, Ahl al-Sunnah wal Jama'a ont foi aux livres révélés. Ils ont la conviction ferme qu'Allah Azza wa Jalla a révélé des livres sur ses messagers afin de guider ses serviteurs. Wa laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahum al-kitaba wal mizan liyaquma an-nas bil qist. Allah nous informe qu'il a envoyé ses messagers avec les preuves évidentes, et il a révélé avec eux, ou Naam, il leur a révélé avec cela les livres. Donc nous avons foi aux livres dont nous avons eu connaissance, particulièrement, c'est-à-dire avec les noms, comme le Coran, ou l'Injil, ou la Torah, ou Suhufu Ibrahim, ou Moussa, ou Zabou, l'Idaoud, alayhi salam. Et on a une foi particulière au Coran qui a abrogé les livres passés. C'est la parole d'Allah Azza wa Jal infalsifiable. Allah parlait de par le Coran, haqiqatan, réellement. Il a fait entendre Jibril alayhi salam, puis Jibril a transmis cela au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa madha musaddiqan lima bayna hadayhi min al-kitab wa muhaiminan alayhi. Et les versets, la parole d'Allah Azza wa Jal, certifient ses autres paroles et le Coran a abrogé ce qui est passé. Nous avons l'obligation de méditer ce Coran, de croire en ce Coran, d'appliquer ce Coran, de certifier ces informations, de mettre en pratique ce qu'Allah nous a commandé dedans et de s'éloigner devant ce qu'il nous a interdit dans le Coran. Quatrièmement, Ahlus Sunnah wal Jama'a ont foi aux messagers qu'Allah a envoyés. Et chaque communauté a reçu un avertisseur. Chaque communauté a reçu un avertisseur qui l'invita au tawhid et à la droiture et qui a prévenu contre le polythéisme et contre les passions. Et nous avons une foi particulière en ce dont nous avons eu les yani connaissances ou de ce dont nous avons connu l'histoire dans le Coran ou la Sunna, ce dont les noms ont été mentionnés. Nous avons foi que ce sont des créatures d'Allah parmi les hommes. Ils ne méritent pas l'adoration, mais ce sont les meilleurs. On les considère, on les aime. Et on a une foi particulière au dernier messager qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On doit le suivre et lui obéir. Et veillez à n'adorer qu'Allah et cela qu'avec ce qu'il nous a enseigné sallallahu alayhi wa sallam. Minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayk. Certains on t'a raconté leur histoire et d'autres nous n'avons pas raconté leur histoire comme Allah Azza wa Jalla nous mentionne dans le Coran. Parmi ceux dont nous avons eu connaissance ou avant cela, nous avons pour croyance également qu'ils n'ont pas le même rang. Ils sont tous bons et bien et anoblis par Allah Azza wa Jalla de par son message. Mais Allah a élevé certains au-dessus d'autres. Fattakhad Allah Ibrahim Khalil. Allah a pris Ibrahim en Khalil. Al-Khulla, c'est A'la darajat al-Hub. C'est le niveau le plus haut de l'amour. Allah lui a accordé cela. Wattakhad Allah Muhammad Khalil. Il a accordé cela également à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wakallam Allah Musa taklima. Il a parlé à Musa de vive voix. Il a parlé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la nuit du voyage nocturne et de l'élévation. Lorsqu'il lui a ordonné les 50 prières et allégé cela au nombre de 5. Wa rafa'a Allah Idris makanan 'aliyya, il a élevé Idris alayhi salam à un haut degré. Wa antaqa Allah Isa sabiyya, il a fait parler Isa au berceau. Et Isa 'abdu huwa 'abdullah wa rasuluhu wa kalimatu alqaha ila Maryam ruhu min. Et nous avons comme croyance que Isa est le serviteur et messager d'Allah. Et sa parole insufflée à Mariam et émanant de lui. Il ne mérite pas l'adoration, c'est le serviteur et messager d'Allah. Ça n'est pas le fils d'Allah, ni le troisième de trois. Et parmi ceux qui ont été mentionnés dans le Coran, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et sa prophétie et son message est général. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. Et nous t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour les mondes. Les messagers auparavant étaient envoyés qu'à leur peuple. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui, a été envoyé à l'ensemble des mondes. Et celui qui met croire la prophétie d'un seul prophète, d'un seul messager, كَفَرَ بِالْجَمِيعًا. Il aura mécru et aura mécru à l'ensemble des messagers et des prophètes. Car Allah nous dit كَذَّبَ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ. Le peuple de Nuh a mécru aux messagers au pluriel. Alors que Nuh est le premier messager envoyé aux gens de la terre. Car celui qui mécroit en Nuh aura mécru à tous ceux qui viendront après. Donc celui qui mécroit en Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, aura mécru en Isa, en Moussa et autres. Et celui qui croit en Moussa, mécru à Isa, aura mécru à l'ensemble. Et nous les musulmans, nous avons foi en l'ensemble des messagers et l'ensemble des prophètes. On ne fait pas de distinction entre eux dans cela. Le nombre des prophètes, comme ça a été mentionné dans le hadith d'Abi Umama, radiallahu anhu, est de 124 000. Et le nombre des messagers parmi eux, 115, ou plutôt 315. Le nombre des prophètes, 124 000, et le nombre des messagers, 315. Naam. Et les noms desquels nous avons eu connaissance, Adam, نبي المكلم نوح إدريس هود صالح إبراهيم إسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وشعيب وموسى وهارون والياس وذا الكفل وداود وسليمان وأيوب وعيسى أوتخ. Eux, on a une foi particulière. Et ceux dont nous n'avons pas eu connaissance, on y croit d'une manière générale. D'une manière générale. Et nous savons qu'Allah a envoyé dans chaque communauté un avertisseur. Le cinquième point, ou bien le cinquième point parmi les bases de la foi, l'iman ou biliyom il akhir. Nous avons foi au jour dernier, c'est-à-dire le jour de la résurrection. Nous avons foi en tout ce qui advient, tout ce qui se passera et se produira après la mort. Jusqu'à ce que les gens du paradis entrent au paradis, qu'Allah nous joigne à cela. Et jusqu'à ce que les gens de l'enfer entrent en enfer, qu'Allah nous en préserve. Et cela comprend trois points principaux. Premièrement, al-imanu bil-ba'th wa an-nushur. Le fait d'avoir foi au fait qu'Allah va ressusciter les morts, corps et âme. Allah va faire revivre les morts. Kama bada'na awwal marra. Ou plutôt, awwal khalqin nu'idu. Tout comme nous avons commencé la première création, nous la recommençons. Naam. Le deuxième point, al-iman bil hisab. Croire au jugement. Allah va juger ses créatures. Allah Azza wa Jal va juger ses créatures. Et le livre, les feuillets seront remis. فَمَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Il y a ceux qui vont recevoir leur livre de la main droite. فَمَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا أُمُقْرَأُ كِتَابِيَ. Celui qui va recevoir son livre de la main droite va dire, regardez, regardez mon livre. Lisez mon livre. Il va se réjouir et va retourner auprès des siens. Le deuxième groupe recevra son livre, bishimali, de la main gauche, mimwara idhahri, de derrière son dos. De la main gauche, de derrière son dos. Troisièmement, al-iman bil jannati wan nar, la finalité de chaque mukallaf. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Une partie finira au paradis et l'autre dans la fournaise. Entre dans la foi au jour dernier, la foi à l'intercession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah va lui permettre d'intercéder pour faire commencer le jugement. Parmi les points de la foi au jour dernier, al-iman bil hawd. La foi au bassin qu'Allah a accordé au prophète alayhi salatu wassalam. Son eau est plus blanche que le lait, plus délicieuse que le miel. Celui qui en boit n'aura plus jamais soif. La foi à al-mizan, la balance. Il y aura la balance et les actions seront jugées ou pesées plutôt. Et certaines personnes seront pesées également, et certaines paroles également. La foi au sirat, le pont, qui sera dressé au-dessus de l'enfer. Et les gens auront à le traverser. Les gens auront à le traverser. Certains vont le traverser à la vitesse du vent, d'autres de l'éclair, du cavalier, de la course, de la marche. Certains vont ramper. Et sur le côté du sirat, il y a le kalalib, il y a des crochets qui vont blesser ou attraper ou faire tomber ce qu'Allah Azza wa Jal aura ordonné. Et celui qui réussit la traversée du sirat, na'am, il fera partie des gens du paradis. Nas'al Allah Azza wa Jal bi asma'il husna wa sifatil ula an yaj'alana ajma'in min ahli al-jannah. Puis après sirat, il y aura al-qantara. Il y aura un autre pont qui est la continuité du sirat sur lequel les croyants seront arrêtés. Ceux qui avaient des problèmes entre eux, ils seront arrêtés et ils n'iront pas à la porte du paradis tant qu'ils n'auront pas réglé ce qu'il y a entre eux. Subhanallah. Puis on enlèvera et on nettoiera ce qu'il y avait dans les cœurs entre eux. À ce moment-là seulement, ils iront à la porte du paradis. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam viendra et il frappera à la porte du paradis. Et l'ange dira, qui est-ce? On dira, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. il dira à toi j'ai reçu l'ordre de ne pas ouvrir. C'est qu'à toi que j'ai reçu l'ordre d'ouvrir. Hakala barakallahu fikum. On continue après salat, inshaAllah ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alameen. Salatu wassalamu ala rasulillahi al-amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dans la première partie, nous avons entamé la mention de points faisant partie de la aqidah, de la croyance de l'Ahl Sunnah wal Jama'ah, des gens de la Sunnah et du groupe. Nous avons expliqué l'importance de ce sujet et son grand bienfait dans la vie du croyant, dans ce bas monde et dans l'au-delà. Nous avons mentionné comme premier point que les gens de la Sunna ont comme croyance ferme qu'Allah est le seul Seigneur des mondes, le seul Créateur, le seul propriétaire et le seul gérant. Deuxièmement, les gens de la Sunna ont foi et ils affirment tous les noms et attributs qu'Allah s'est affirmé pour lui-même ou le lui a affirmé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sans faire ressembler Allah à ses créatures. Et les gens de la Sunna rejettent tout ce qu'Allah Azzawajal a rejeté. Ou a rejeté à son sujet le prophète alayhi salat wa salam comme défaut, comme imperfection et comme similitude avec ses créatures. Puis nous avons mentionné le troisième point qui est que les gens de la Sunna unifient Allah Azzawajal. Entre dans les points les plus importants de leur croyance, le fait d'unifier Allah d'un culte sincère, de l'adorer que lui seul sans associé. Le quatrième point, ils ont foi en Allah, ses anges, ses livres, ses messagers au jour dernier, et ils ont foi au décret ou au destin, qu'il soit favorable ou défavorable. Et nous sommes arrêtés sur le sixième pilier de la foi, qui est l'iman ou bil qadari khayri wa sharri. Donc les gens de la sunna ont comme croyance ferme la croyance au destin, en la prédestination. Ils ont une croyance ferme, dénuée de tout doute, quant au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tout décrété. Et cela 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut se réalise. Et ce qu'il ne veut pas ne se réalise pas subhanahu wa ta'ala. Et les degrés du destin et de la prédestination chez les gens de la sunna sont nombre de 4. Ce qu'on appelle maratib al-qadar. المرتبة الأولى علم الله المحيط بكل شيء يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون تبارك وتعالى. Les points du destin sont nombre de 4. Le premier, c'est la science. Le fait de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît tout et que sa science est parfaite et complète. Que ce soit relatif à ses actions, que ce soit relatif aux actions des créatures, que ce soit des grandes ou des petites choses, en général ou en détail, huwa bi kulli shay'in 'alim. Il est savant de toutes choses. Allah subhanahu wa ta'ala connaît le passé. D'accord. Allah subhanahu wa ta'ala connaît le passé. Il connaît le présent et le futur. Et même l'impossible, si cela avait eu lieu, il sait comment cela se serait déroulé. Rien ne sort de sa science et rien ne lui échappe. Il n'est pas sujet à l'oubli ni à l'erreur. La yadillu rabbuka wa la nasa. Allah subhanahu wa ta'ala ne se trompe pas, il ne s'égare pas, il n'oublie rien subhanahu wa ta'ala. La première étape du destin est d'affirmer qu'Allah a la science complète et parfaite et il sait tout. Le deuxième point, al-kitab, l'écriture. Fi al-lawh al-mahfouz, katab Allah maqadir al-khalaiq. في اللوح المحفوظ قبل يخلق السماوات والأرض بخمسين سنة وبخمسين ألف سنة الله سبحانه وتعالى le deuxième point الله سبحانه وتعالى 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre a fait écrire ou a écrit dans les tablettes préservées le destin de toutes choses jusqu'au jour de la résurrection. Et dans le hadith, la première chose qu'Allah a créée, yani awwal ma khalaq Allah al-qalam qala lahu uktub. Ou bien dès qu'Allah a créé la plume, il lui a dit écris. Qala wa madha aktub? Et la plume a dit que dois-je donc écrire? Qala lahu. Allah Azza wa Jalla lui a dit tout ce qui sera jusqu'au jour dernier. Donc tout cela a été inscrit dans ce qu'on appelle al-lawh al-mahfouz, dans les tablettes préservées. Allah nous dit dans le Coran, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi as-samawati wal ard, ou bien fi as-sama'i wal ard. J'ai oublié, inna dhalika fi kitab, inna dhalika 'ala Allah yasir. Ne sais-tu pas qu'Allah sait ce qu'il y a dans les cieux et la terre? Ceci est dans un livre. Ceci est préservé, consigné ou mentionné dans un livre. Ceci est simple pour Allah. Dans un autre verset, قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ. La science de cela est auprès de mon Seigneur dans un livre. لَا ضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى. Mon Seigneur ne s'égare pas ni n'oublie. Le troisième point, c'est le mashi'ah. Mashi'atullah nafida. Masha'allahu kan, wa ma lam yasha lam yakun. Le troisième point est d'affirmer la volonté suprême d'Allah. Ce qu'Allah veut se produit, se réalise. Et ce qu'il ne veut pas, ne se produit pas et ne se réalise pas. Rien ne se produit dans sa royauté, si ce n'est par sa volonté, si ce n'est avec sa permission, subhanahu wa ta'ala. Innama amruhu idha arada shay'an an yakula lahu kun fayakun. Son ordre n'est que de dire, lorsqu'il veut une chose, n'est que de dire soit et elle est. Soit et elle est. Le quatrième point, al-khalqu wal-ijab. Le fait qu'Allah nous ait créé, nous et nos actions. Avoir comme conviction ferme le fait qu'Allah nous ait créé, nous et nos actions. Allah dit dans le Coran, Allahu khaliqu kulli shay. Allah est le créateur de chaque chose. Et dans l'histoire d'Ibrahim alayhi salam, Wallahu khalaqakum wa ma ta'amalu. Allah vous a créé vous et ce que vous faites. Donc Allah Azza wa Jal a créé l'acteur et son action. خَلَقَ اللَّهُ الْعَامِلَ وَعَمَلَ. Celui qui bouge et son mouvement. وَرَبُّ كُلِّ شَيْءٍ. Donc les gens de la sunna ont comme conviction ferme que tout ce qui a lieu, tout ce qui se produit, était prédestiné dans la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'Allah veut que ça se produit, ça se produit. Comme il le veut, quand il le veut, subhanahu wa ta'ala. Et ça ne veut pas dire qu'on occulte la volonté du serviteur, si ce n'est qu'elle suit la volonté du Créateur. Allah dit وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ Allahu Rabbul Alamin. Et vous ne pouvez vouloir que si Allah le veut, Allah le Seigneur des mondes. Donc l'humain, la créature, a une volonté. Naam. C'est lui qui fait l'action réellement. Mais, par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis on dit qu'Allah lui a donné un libre arbitre, et il lui a donné la raison, il lui a enseigné le chemin du bien et le chemin du mal. Et chacun, on lui facilite ce vers quoi il a été prédestiné. Mais on ne peut se cacher derrière le destin pour les péchés. On ne peut pas dire, par exemple, c'est Allah qui l'a voulu, donc je suis dans le péché, donc c'est normal, ou c'est une excuse. Non. On n'a pas le droit de se cacher derrière le destin comme le faisaient les associateurs. Par contre, la personne qui a commis un péché, duquel elle s'est repentie, c'est elle qui peut dire قَدَرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلْ قَدَرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلْ. Allah a décrété cela, il fait ce qu'il veut. Non. Donc après le repentir, on peut parler du décret. Mais on ne peut pas se cacher derrière le destin pour dire qu'on reste dans les péchés et qu'Allah l'a voulu. Ceci est une compréhension erronée de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cinquième point, وَمِنْ جُمْلَةِ مُعْتَقَدِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بمعصيته وطاعة الشيطان. Le cinquième point entre dans la croyance des gens de la Sunna et du groupe sauvé le fait d'avoir comme conviction ferme que la foi, l'iman, c'est une parole avec la langue, une croyance avec le cœur, des actions avec les membres. La foi augmente de par l'obéissance au tout miséricordieux. Et elle diminue lorsqu'on lui désobéit et on obéit au shaytan. Voici cinq points qu'il nous faut retenir. Premièrement, la foi c'est une parole. La foi est une parole. Comme la ilaha illallah, comme subhanallah, walhamdulillah, comme la lecture du Coran, le dhikr, at-takbir, at-tasbih, la hawla wa la quwwata illa billah, hasbi Allah wa ni'mal wakil, tout cela est iman, tout cela est de la foi. Deuxièmement, i'tiqadun bil janan, ay bil qalb, c'est une conviction, une croyance dans le cœur. C'est une croyance dans le cœur. Troisièmement, des actions avec les membres, comme la prière, comme le hajj, et autres. Les gens de la sunna et du groupe disent que la foi, elle augmente. Quand est-ce qu'elle augmente? Quand on obéit à Allah. Quand on fait plus d'adoration, elle augmente. Quand on mentionne plus Allah, elle augmente. Et tout le monde ressent cela en soi. Tout le monde ressent cela en lui-même. Et ce qui augmente peut diminuer. Quand est-ce que la foi diminue? Lorsque la personne est insouciante, elle est distraite. Quand elle commet des péchés. Quand elle ne mentionne pas Allah, elle oublie. Quand elle délaisse ce qu'Allah lui a ordonné, ou elle commet ce qu'Allah lui a interdit, sa foi diminue. Sa foi peut augmenter jusqu'à dépasser le niveau des montagnes. Mais elle peut aussi diminuer jusqu'à atteindre le poids de la petite fourmi, jusqu'à atteindre le poids de la petite fourmi. Et nombreuses sont les causes qui font augmenter la l'iman, comme la connaissance d'Allah, comme la préservation des obligations, puis ajouter à cela les actes recommandés, comme la lecture du Coran et sa méditation, comme le fait de méditer sur la création d'Allah. Tout cela augmente l'iman, comme le fait d'aller dans les assises de science. Naam. Et le contraire fait diminuer la foi. Allah nous dit dans le Coran: وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Et lorsqu'on leur récite ces versets, leur foi augmente. Ça, c'est une preuve que la foi augmente. Et si elle augmente, إِذَا كَانَ الْإِيمَانِ قَابِلًا لِلزِّيَادَةِ فَهُوَ قَابِلٌ لِلنُقْصَانِ. Si la foi accepte d'augmenter, si la foi accepte d'augmenter, c'est qu'elle est sujette à la diminution. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Al-Iman bid'un wa sab'una shu'ba. La foi est composée d'un peu plus de 70 branches. Fa'a'laha qawlu la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Dans ce hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous montre que la foi, c'est une parole avec la langue, une croyance dans le cœur et des actions avec les mains. Il nous dit la foi se compose d'un peu plus de 70 branches. Bid'a, c'est le chiffre entre 3 et 9. Shu'ba, c'est les branches. A'laha, le plus haut, la plus haute branche de la foi, la parole la ilaha illallah. C'est une preuve que la parole entre dans quoi? Dans l'iman. Wa adnaha, la branche la plus basse de la foi, enlever une nuisance du chemin, une chose qui gêne le passage, une chose qui nuit dans le chemin. Imatatul adha 'anit tariq. Donc ça, c'est une action. Wal haya, la pudeur, ça c'est un état du cœur. Wal haya ushubatun min al-iman, est une branche de la foi. Dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Celui qui aime pour Allah et qui déteste pour Allah, qui donne pour Allah et qui retient pour Allah, aura complété la foi. Donc il y a une foi complète, il y a une foi imparfaite. Il y a la foi qui augmente, il y a la foi qui diminue. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit également: Man ra minkum munkaran, celui qui parmi vous voit un mal, falyughayyirhu biyadi, qu'il le corrige, qu'il le change avec sa main. Celui qui a autorité, le père dans sa famille ou le policier ou autre. Fa in lam yastati', fa bi lisan, s'il n'en a pas la capacité, alors avec sa langue. Fa in lam yastati', fa bi qalbi, s'il n'en a pas la capacité, alors avec son cœur. Wa dhalik, et ceci avec le cœur. Adhaful iman, c'est le niveau le plus bas de la foi. C'est le niveau le plus bas de la foi. Donc la foi chez les gens de la sunna, c'est pas une simple parole sur la langue. C'est pas des actions et des paroles sans conviction comme c'est le cas chez les hypocrites. Non, c'est une croyance dans le cœur. Une parole sur la langue, des actions avec les mains. Les gens de la sunna ne disent pas comme la secte de El Murji'a, que les actions n'entrent pas dans la foi. Ou bien que la foi, c'est une chose, soit tu l'as entièrement, soit tu la perds totalement. Non, mais nous disons que les gens ne se valent pas tous dans la foi. Certains ont une foi très forte, certains ont une foi faible, et ainsi de suite. Et Allah nous dit dans le Coran: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Et Allah n'allait pas faire perdre votre foi, n'allait pas ne pas comptabiliser votre foi, c'est-à-dire vos prières passées en direction de Bayt al-Maqdis. On a appelé ici la prière إِيمَانًا. إِذَنْ الْأَعْمَالِ دَاخِلَةٌ فِي مُسَمَّ الْإِيمَانِ. Le sixième point: وَمِنْ اِعْتِقَادِهِمْ أنهم لا يكفرون مسلما بذنب دون الشرك ما لم يستحل ذلك. Le sixième point parmi les points de la croyance des gens de la Sunna est qu'ils ne rendent pas mécréant, ils n'excommunient pas le musulman suite à un péché qu'il a commis en dessous du niveau de la mécréance et du shirk, du polythéisme, tant que ce dernier ne le rend pas licite. Contrairement à la secte de l'Khawarij, qui disent que celui qui commet un grand péché, il sort de l'islam. Non. La croyance des gens de la Sunna et du groupe, du consensus, la croyance du Coran et de la Sunna, c'est de dire que celui qui tombe dans un péché, sa foi, elle diminue. Celui qui tombe dans un péché en dessous du polythéisme, en dessous de la mécréance, tant qu'il ne le rend pas licite, il reste musulman. Même s'il commet un grand péché, comme la consommation de l'alcool, comme le mensonge, comme le vol, comme la fornication. Mais sa foi diminue grandement. Il perd l'appellation de la foi complète. Mais il ne perd pas l'appellation minimale, au minimum, du musulman. On l'appellera, on dira de lui, mu'minun bi'imani. On dira qu'il est croyant de par sa foi. Fasiqun bi'kabirati. Mais il est pervers de par le grand péché qu'il a commis. Ou on l'appellera, al-fasiqul milli, le pervers de la voie. C'est-à-dire qu'il a commis des perversions, mais il n'est pas sorti de la voie, car son péché est en dessous du polythéisme, en dessous du shirk, en dessous du kufr. Donc ceci est la voie des gens de la sunna, dans le juste milieu, entre les khawarij qui rendent mécréant le musulman par les grands péchés, et la voie des murji'ah qui disent même en commettant les péchés, ça ne nuit pas à la foi. Le plus grand pervers et Jibril ont la même foi. Non. Mais Ahl sunnati wal jama'ah sont dans le juste milieu. Ils disent que celui qui commet un grand péché, en dessous du shirk, tant qu'il ne le rend pas licite, il reste musulman. Il reste musulman, mais il a commis un grand péché. Sa foi diminue à l'obligation de s'en repentir. Et il y a un verset très explicite dans le Coran qui nous dit « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih ». Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé que ce soit. Il ne pardonne pas shirk. « Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha » Et il pardonne à qui il veut en dessous de cela. C'est-à-dire celui qui rencontre Allah Azza wa Jal avec des péchés, avec des grands péchés. Mais en dessous du shirk, il est sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, lui pardonne. Il le met directement au paradis. Si Allah veut, il le châtie. Un temps déterminé pour le purifier de son péché, lui il le sort de l'enfer et il le met au paradis. Car la finalité de chaque musulman est le paradis. Nas'alullah min fadli. Donc ceci est la croyance des gens de la sunna. Et ils ont comme croyance que le takfir, c'est le droit d'Allah Azza wa Jal. Enseigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas laissé au bon vouloir de chacun de rendre mécréants les gens. Non. Mais il y a des paroles précises, des croyances précises, des élèvements précis, des actions précises, des convictions précises. À travers cela, les savants jugent de la personne qu'elle est sortie de l'islam. Selon les preuves du Coran et de la Sunna. Par exemple, Allah nous dit dans le Coran, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا. Si deux groupes parmi les croyants se combattent. Donc ça, c'est un grand péché. Pourtant, on dit مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Pourtant, on dit parmi les croyants, on ne leur a pas enlevé l'appellation de la foi. Ils sont quand même musulmans. Ils sont quand même croyants, même si la foi a baissé. De par le grand péché. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. Réconciliez entre eux. Le septième point, وَمِنْ جُمْلَةِ اعْتِقَادِ أَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ مَحَبَّتُهُمْ لِأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَمِيعِهِمْ وَالتَّرَضِّ عَنْهُمْ واحترامهم ومعرفة فضائلهم وسبقهم في هذا الدين. سلامة قلوبهم وألسنتهم تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le septième point est très important. Parmi les points de la croyance des gens de la Sunna et du groupe, leur amour à l'égard des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils les aiment tous sans exception. Ils invoquent Allah en leur faveur. Ils ne les mentionnent qu'en bien. Leur langue est préservée. À leur égard, ils ne les citent qu'en bien. Leur cœur est préservé. À leur égard, ils n'ont qu'une bonne opinion d'eux. Leur cœur a été à l'abri de toute mauvaise opinion des compagnons et leur langue de toute mauvaise parole à leur égard. Ils demandent à Allah d'être satisfait d'eux, ils l'invoquent pour cela. Ils les respectent tous. Ils reconnaissent leur valeur et le fait qu'ils ont précédé l'ensemble des gens à l'islam. Et ils se taisent sur ce qu'il a pu y avoir entre eux. Et ils disent que celui qui a raison parmi eux a deux récompenses. Et celui qui s'est trompé a une récompense. Car il a visé la vérité mais il ne l'a pas atteint. Allah nous dit dans le Coran, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ ceux qui sont venus après eux, après les compagnons. Car on nous cite dans Sourate Al-Hashr, للفقراء المهاجرين. On nous parle des muhajirin. والذين تبوأوا الدار والإيمان. Ensuite on nous parle des ansar. Puis on nous dit والذين جاءوا من بعدهم. Ceux qui sont venus après eux. Les musulmans qui sont venus après les compagnons. يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. Ô notre Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. En premier lieu les compagnons. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Puis on invoque Allah Azza wa Jal afin qu'il ne mette rien dans nos cœurs comme aversion à l'égard des croyants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a très clairement montré le rang des compagnons et qu'on n'avait pas le droit de les mentionner en mal. Il dit dans le hadith apporté par Al-Bukhari et Muslim, la tasubbu ashabi, n'insultez pas mes compagnons. Walladhi nafsi biyadi, je jure par celui qui détient mon âme dans sa main. Law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaba, si l'un d'entre vous avait dépensé l'équivalent de la montagne de Uhud en or, ma balagha mudda ahadihim wala nasifa, cela n'aurait pas atteint cet équivalent de sadaqa de l'un des compagnons, ni même la moitié. Ni même la moitié. Un mud, c'est lorsqu'on joint les mains. Yani cet équivalent, imaginez cet équivalent de farine, de riz ou autre. Si un compagnon donnait ça en sadaqa, et qu'une personne après le compagnon donnait l'équivalent de la montagne de Uhud, pour ceux qui ont vu la montagne de Uhud, c'est une longue chaîne de montagnes qui fait environ 11 kilomètres. Celui qui donnait ça en or, même si une personne donnait cela en or, cela ne serait pas l'équivalent de cela donné par un compagnon, ni même la moitié. Ni même la moitié, ce que peut contenir une main. Subhanallah. Ça c'est la place des compagnons chez Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est satisfait d'eux. Alors tout croyant se doit d'être satisfait d'eux, radiallahu anhu. Aussi, nous avons comme croyance que le meilleur d'entre eux est Abu Bakr, puis Omar, puis Othman, puis Ali. Ensuite, le reste des 10 promus au paradis. Ensuite, nous disons que les meilleurs d'entre eux sont les Muhajiroun, puis les Ansar. Nous disons aussi que les meilleurs d'entre eux sont les gens de la bataille de Badr. Et qu'Allah Azza wa Jal a dit dans le hadith, comme c'est mentionné dans le hadith, اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ. Faites ce que vous voulez, je vous ai pardonné. Les gens de la bataille de Badr, ils étaient plus de 310. Naam. Puis, Ahlu ou Ashabu Bay'at al-Ridwan, Ashabu Shajara, les gens qui ont prêté allégeance au prophète alayhi salat wa salam sous l'arbre. Ces gens-là, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit leur personne au feu de l'enfer. Dans le hadith, pas une personne qui a prêté allégeance au prophète alayhi salatu wassalam n'entrera au feu. Puis les gens de la bataille de Uhud. Puis le reste des compagnons. Le huitième point, Ahlus Sunnah wal Jama'ah yatawallawn ahl bayt an-nubuwwah. Le huitième point qui découle du septième, ou qui est une particularité de la généralité du septième, c'est qu'ils aiment, respectent, considèrent et secouent les gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils leur accordent une place toute particulière. Ils leur reconnaissent une grande place de par leur proximité avec le prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme c'est rapporté dans le recueil de l'imam muslim par Zayd ibn Arqam radiyallahu anhu, Udhakkirukum Allah fi ahli bayti. Je vous rappelle Allah à l'égard des gens de ma, yani de chez moi, de ma famille. Les gens de la famille du prophète alayhi salatu wassalam entrent dans cela ses épouses. Entre dans cela ceux dont la sadaqa ne leur est pas licite. Et il faut bien comprendre ce point. Ça fait référence aux croyants parmi eux seulement. Quant à Abu Lahab et Abu Talib, ils n'entrent pas dans ce point. Car Allah dit en Coran, Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Et innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah Azza wa Jalla a révélé ces versets à leur égard. Certes, tu ne guides pas qui tu aimes. Ça, c'est concernant Abu Talib. Et tabbat yada Abi Lahab wa tab, concernant Abu Lahab. Le lien de parenté n'est d'aucune utilité s'il n'y a pas l'iman. Personne n'a un lien avec Allah Azza wa Jalla si ce n'est par taqwa, par l'iman, par l'amal salih. Sans cela, le lien de parenté n'est pas utile. Ça n'a pas sauvé le père d'Ibrahim, alayhi salam. Ni le fils de Nuh, alayhi salam. Ni l'oncle du prophète, alayhi salatu wassalam. Bien au contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté sur al-Safa et a appelé les membres de sa famille. Ya ma'ashara Quraysh, ishtaru anfusakum, la ughni ankum min Allahi shay'a. Affranchissez vos propres âmes, je ne pourrai rien pour Allah, yani rien pour vous auprès d'Allah. Puis il a appelé Ya al-Abbas, amma Rasulillah. Il a appelé Ya Safiyyah, amma Rasulillah, oh Safiya, ya Abbas, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ya Safiya, la tante du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ya Fatima, bint Rasulillah, ou Fatima, la fille du messager, ou bint Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, salini min malij ma shi'it, la ughni anki min Allah shay'a. Demande-moi ce que tu veux de mes biens, mais je ne pourrai rien pour toi, chez Allah. Donc il n'y a qu'avec le taqwa, il n'y a qu'avec l'iman, que tu as un lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et Ahli Sunnah wal Jama'ah se désavouent de la voix de Rafida et de Nawasib. Rafida sont ceux qui insultent les compagnons et qui accusent Aisha radiallahu anha, ce dont Allah l'a innocenté dans le Coran. Ces gens-là n'ont pas de part de iman tant qu'ils ne se sont pas repentis de cette mécréance. Iyadhan billah. Ils insultent les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Et ils disent que la plupart d'entre eux sont sortis de l'islam après la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Et ils disent que les pires d'entre eux sont Abu Bakr, Omar. Et que parmi les pires familles, il y a Aisha et Hafsa radiallahu anhu. Subhanallah. Subhanallah, les épouses du prophète alayhi salatu wassalam. On a demandé aux gens du livre qui sont les meilleurs d'entre vous. Ils ont dit les compagnons de leur prophète. Et on a demandé à Rafida qui sont les pires d'entre eux. Ils ont dit les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Et on se désavoue également de la voix des Nawasib. Les Nawasib sont ceux qui ont détesté les gens de la famille du prophète alayhi salatu wassalam. Donc Ahl al-Sunnah wal Jama'ah sont dans le juste milieu, comme à leur habitude, car ils suivent le Coran et la Sunnah à la manière, et comprennent cela à la manière des compagnons, radiallahu anhu. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. Si leur foi est en concordance avec la vôtre, alors ils seront bien guidés. Voilà pourquoi Ahl al-Sunnah wal Jama'ah sont bien guidés. ومن جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم يرون وجوب السمع والطاعة لولي الأمر. Parmi les points de la croyance des gens de la Sunna et du groupe, le fait qu'ils ont comme croyance l'obligation d'obéir à ceux qui détiennent l'ordre. Ils ont comme conviction et comme voix l'obligation d'obéir au gouverneur et à ceux qui détiennent l'ordre parmi eux, même s'ils ont des péchés, petits ou grands, tant qu'ils sont sourds et dignes, tant qu'ils ne sortent pas du dîme, tant qu'ils accomplissent la salat, comme c'est venu dans un hadith. Ils ont comme conviction l'interdiction de se rebeller contre les gouverneurs, de les mentionner en mal dans leurs assises ou sur les manabirs, car cela amène l'inimitié dans le cœur des croyants envers leurs dirigeants, et ça ramène le désordre, puis le chaos, puis les tueries, le sang coule, l'honneur des femmes est violé, et les richesses pillées. Tout cela commence par le dénigrement des gouverneurs, le rabaissement des savants, puis ça amène la révolte, qui est souvent poussée par des pays étrangers qui ont un but caché dans cela. Mais le croyant qui a la conviction, qui a la croyance de l'Ahl al-Sunnah wal Jama'ah, il connaît le Coran et Sunnah, il se cramponne au Coran et à la Sunnah, et il sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui prêtait allégeance, comme c'est venu dans le hadith, bay'ana Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, nous avons prêté allégeance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, على السمع والطاعة. On lui a prêté allégeance sur le fait d'écouter et d'obéir au gouverneur. Dans la difficulté et la difficulté. Dans la facilité et la difficulté. Et dans l'autre hadith, ou plutôt avant ça dans le verset, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا. Ou vous qui avez cru, أَطِيعُوا اللَّهَ, obéissez à Allah. وَأَطِعُوا الرَّسُولُ, obéissez aux messagers. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, et à ceux qui détiennent l'ordre parmi vous. Dans ce verset très clair, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de lui obéir. Ordonné d'obéir aux messagers sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est une obéissance absolue. Car l'obéissance du prophète alayhi wa sallam fait partie de l'obéissance à Allah. Et le prophète sallam a transmis de la part d'Allah. Puis on nous dit, et obéissez à ceux qui détiennent l'ordre parmi vous. C'est-à-dire tant qu'ils ne leur donnent pas un interdit. C'est pas une obéissance absolue, mais rattachée à ce qui est convenable. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith, Ati', obéis, wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, comme l'a rapporté l'imam Muslim, obéis. Même si ton dos est frappé et tes biens spoliés ou retirés. Et même si on te frappe et on te vole. Celui qui te fait ça, il t'aura opprimé et Allah va te rendre ton droit. Mais toi, tu dois t'acquitter de tes devoirs envers ce gouverneur injuste. Et dans l'autre hadith, Isma'u wa ati'u wa in ta'ammara alaykum 'abdi. Écoutez, obéissez, même si votre dirigeant est un serviteur. Et dans un hadith, on nous dit, la ta'ata fi ma'siya, il n'y a pas d'obéissance dans le péché. C'est-à-dire, si le gouverneur nous ordonne, ou bien si on nous ordonne un péché, il ne faut pas obéir. Wa innama ta'ati fil ma'ruf. Et l'obéissance n'est que dans le convenable. L'obéissance n'est que dans le convenable, rapporté par l'imam Bukhari, rahimahullah. Et très nombreux sont les hadiths qui nous montre l'obligation d'obéir au gouverneur. Et dans le hadith, on nous dit, celui qui sort de l'obéissance du gouverneur, ne serait-ce que d'un enfant, puis qui meurt dans cet état, il sera mort à la manière des gens de la Jahiliyyah. Il sera mort à la manière des gens de la Jahiliyyah. Et ô combien est belle la parole de Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dans son livre Masailul Jahiliyyah, les questions relatives à la période anti-islamique. Il mentionne dans ce livre des points sur lesquels étaient les gens de la période anti-islamique. Et le prophète alayhi salatu wassalam est venu pour corriger cela. Le premier point, c'est quoi? C'est qu'ils prenaient des intermédiaires entre eux et Allah. Ils leur vouaient le culte afin qu'ils intercèdent en leur faveur. Le deuxième point, c'est qu'ils étaient divisés. Le prophète est venu les voir et les appeler au tawhid, la combat du shirk. Le prophète est venu les voir et les appeler à l'union dans la religion et dans la dunya, et il a enlevé la division. Et ce qui nous intéresse ici, c'est le troisième point. Al-mas'alatu thalitha. Inna mukhalafata wali al-umur wa 'adama al-inqiyad lahu fadilatun wa as-sam'a wa at-ta'ata lahu dhullun wa mahana. Parmi les questions relatives à la période anti-islamique, le fait qu'ils avaient comme conviction, comme voie, comme chemin, le fait que d'obéir au gouverneur, de les écouter, de leur obéir, le fait d'écouter, d'obéir aux dirigeants, pour eux, c'était une humiliation et une faiblesse. Les gens de la Jahiliyyah, chez eux, si tu obéissais aux dirigeants, tu étais un faible. Si tu obéissais aux dirigeants, tu n'étais pas fort. Si tu obéissais aux dirigeants, voici l'humiliation même. Subhanallah. Et cette parole nous rappelle la parole du dénommé. Comment il s'appelle l'homme de l'association? Baraka City. Idriss Ahmedi. À la kulli hal, cet homme qui est à la tête de cette association, qui a écrit un tweet en disant une parole proche de celle-ci. Les gilets jaunes sont meilleurs que vous. C'est-à-dire ceux qui prônent l'obéissance au gouverneur. Comme eux se révoltent et se rebellent, ils disent même les gilets jaunes sont mieux que ces gens qui s'affilient à la sunna. Subhanallah, c'est pas exactement ce que nous cite ici Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, comme faisant partie des questions de la période anti-islamique. Ce que le prophète Mohammed ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam est venu combattre et corriger, cet homme-là, loin donc de la jahiliya. Et le reproche ne doit pas être adressé, l'opprobre ne doit pas être jeté chez les gens de la sunna et leurs croyances, mais plutôt sur toi-même. Reviens vers Allah, corrige-toi et repens-toi de cette parole gravissime. On demande à Allah pour nous-mêmes ainsi que pour toi, la guider. Je reprends la parole de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dans Masail al-Jahiliya. Inna mukhalafata wali al-umur, ou bien wali al-amr. وعدم الانقياد له فضيلة والسمع والطاعة له ذل ومهان فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة وغلظ في ذلك وأبدى وأعاد. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ندي كيزون contredit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils avaient comme point dans la période anti-islamique le fait de contredire, de ne pas suivre leur gouverneur, leur dirigeant. Et que pour eux, obéir au gouverneur et l'écouter, c'était une humiliation et un rabaissement. Le fort chez eux, le courageux chez eux, c'était qui? C'était celui qui se rebellait. Celui qui désobéissait au gouverneur. Le prophète est venu pour corriger ça, pour enlever cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a contredit dans cela. Il leur a ordonné l'écoute et l'obéissance. Et, et l'acquittement des devoirs envers les gouverneurs. Et il a été sévère dans ce chapitre. Et il a souvent réitéré cet ordre. Et il y a un hadith qui réunit ces trois premiers points du livre. C'est le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et il est rapporté par l'imam muslim, « Inna Allah yarda lakum thalath »« Allah agrée pour vous trois choses »« An ta'budu wa la tushriku bihi shay'a » »« Que vous l'adoriez, que vous n'adoriez que lui sans jamais rien lui associer » Wa anta ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, que vous cramponniez tous ensemble à l'anse d'Allah sans jamais vous diviser. Wa antunasihu man wallallahu amrakum, et que vous acquittiez de vos devoirs envers ceux qu'Allah a mis à votre tête, vos dirigeants. L'auteur nous dit wa lam yaqa' khalalun fi dinin nas wa dunyahum illa bi sabab al ikhlal fi hadhihi thalath. L'auteur rahimahullah ta'ala poursuit et dit, et il n'y a pas eu de problème dans la religion des gens, ni de déviance dans la religion des gens, ni dans leur bas monde, si ce n'est à cause de déviance dans l'une de ces trois choses-là, ou dans ces trois choses-là. Ash-shirk, la division, et le fait de ne pas obéir, de ne pas écouter les dirigeants. Avec le gouverneur, sa parole s'arrête là. Avec le gouverneur, il y a la sécurité dans le pays. Les gens peuvent voyager sans crainte pour leur vie. Avec le gouverneur, il y a la paix. Avec le gouverneur, il y a la préservation de l'honneur, la préservation des biens. Il y a l'acquittement des droits et des devoirs. Avec le gouverneur, il y a les jugements. L'opprimé peut aller voir les dirigeants pour qu'on lui redonne son droit. Naam, il peut se plaindre et porter plainte pour qu'on lui restitue son droit, et ainsi de suite. Et jadis, les savants disaient, si tu vois la personne faire dua pour le gouverneur, le vendredi par exemple, sache qu'elle fait partie des gens de la sunna. Et si tu vois la personne parler sur le gouverneur ou invoquer contre le gouverneur, sache qu'elle fait partie des gens de la bid'ah, des gens de l'innovation. Imam Ahmed rahimahullah ta'ala disait, si j'avais su, ou si j'avais la science, qu'une invocation prononcée par ma part, prononcée de moi, est exaucée chez Allah, juste une seule, je l'aurais donnée au gouverneur. Pourquoi? Parce qu'avec la droiture du gouverneur, il y a la droiture du pays. Avec la droiture du gouverneur, il y a la droiture du pays. Ne voyez-vous pas, lorsqu'il y a eu des révoltes dans certains pays, les richesses ont été pillées, les femmes ont été abusées, et le sang a été versé. Ce qui poussait les gens à se révolter, il leur disait Thuru, Thuru. Hein? Il leur disait sortez, vous êtes fils d'Abilillah, vous êtes dans le sentier d'Allah. Pourquoi ne faites pas sortir vos enfants vous-même? Et ensuite, un tel est mort, et tel nombre de morts sur telle place. Et ensuite, telle femme a subi tel mal. Ensuite, telle richesse a été payée, pillée. Et à la fin, ils disent, il faut rétablir l'ordre. Mais c'est à cause de vous que ces jeunes-là se sont égarés. C'est vous qui les avez appelés à la révolte. C'est vous qui avez rempli leur cœur contre leur gouverneur. Ceci est un égarement évident. Et ne fait pas partie de la croyance des gens de la Sunna. D'avoir un siècle avec un gouverneur injuste est meilleur que d'avoir une nuit sans gouverneur. C'est meilleur que d'avoir une nuit sans gouverneur. Donc les gens de la sunna accordent énormément d'importance à ce chapitre. Et ils le répètent régulièrement et avertissent la communauté contre le fait de sortir et de se révolter contre les gouverneurs. Le dixième point, « Wa min jumlati i'tiqadi ahli sunnati wal jama'a, annahum yahdharuna min al jidal fi al-din wal khusuma wal mira' والأهواء ومجالسة أهل الأهواء والبدع Le dixième point que entre dans la croyance des gens de la sunna et du groupe, le fait de ne pas polémiquer dans la religion d'Allah Azza wa Jal et de ne pas suivre les passions des innovateurs et des égarés et de ne pas fréquenter les gens qui ont exagéré dans la religion d'Allah et ont innové dans la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Imam Abu Daoud rahimahullah ta'ala rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ma dhalla qawmun ba'da hudan illa utul jadal. Il n'y a pas un peuple qui s'est égaré après avoir eu la guidée sans qu'on leur ait donné la polémique. Faites de polémiquer dans la religion. Non, il y a le Coran, c'est le livre d'Allah et sa parole, on s'y cramponne. Il y a Sunna, c'est la tradition du prophète, alayhi salatu wasalam, on s'y cramponne. Et il y a ceux qui ont été témoins de la révélation, ce sont les compagnons, on comprend le dîn comme ils l'ont compris. Voici nos bases. Toute voix qui est venue après la mort du prophète, alayhi salatu wasalam, c'est une voix égarée et corrompue. Allah nous dit dans le Coran, ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Suivez ce qui vous a été révélé de la part d'Allah ou de la part de votre Seigneur et ne suivez pas en dehors de lui d'alliés. Dans le tafsir, on trouve suivez le Coran et la Sunna. Allah nous dit dans le Coran wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Et voici mon chemin droit dans toute sa altitude. Suivez-le donc. Wala tattabi'u subul. Ne suivez pas les sentiers. Ne suivez pas les sentiers qui vous égareront du droit chemin. Les sentiers, c'est-à-dire les voies des passions et des innovateurs. Allah nous dit wa man yushaqiqi ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Et celui qui fait scission d'avec le messager, après que les preuves évidentes lui aient été démontrées, et qui suit un autre chemin que les croyants, c'est-à-dire les sahaba radiallahu anhum, en premier lieu, ce sont eux les croyants au temps de la révélation. Celui qui fait scission d'avec le messager, scission d'avec les croyants, les sahaba radiallahu anhum en premier lieu, nous wallihi ma tawalla, on l'abandonnera à ce qu'il a choisi. Wa nuslihi jahannam. Il ira en enfer et quelle mauvaise destination. Allah dit dans le Coran, وَمَا آتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ce que les messagers d'Allah vous donnent, prenez-le, ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Celui donc qui espère la rencontre avec son Seigneur, qu'il fasse des œuvres pieuses et n'associe personne dans le culte avec son Seigneur. Voici les deux conditions pour que l'œuvre soit acceptée et agréée chez Allah. Al-ikhlas, la sincérité, ou al-mutaba'a, le suivi du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, comme l'a rapporté le Bukhari Muslim, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd ay mardudun ala sahibih. Celui qui innove dans notre ordre, la chose qui nous est propre à nous, c'est-à-dire la religion d'Allah, une chose n'en faisant pas partie, elle sera rejetée. Allah ne l'accepte pas. Et dans la version de l'imam muslim, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Celui qui fait une action qui n'est pas en conformité avec notre ordre, son action sera rejetée. C'est-à-dire qu'il soit le premier à avoir innové cette innovation, ou qu'il soit un simple suiveur. Dans les deux cas, Allah n'accepte pas. Allah n'accepte que ce qui est sincèrement fait pour lui et en conformité avec la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Sache mon cher frère, rahimanillah wa iyyak, que cette religion elle est complète. Et elle n'accepte pas l'ajout. À l'image de ce verset, il avait été plein. Si tu ajoutes de l'eau, ça déborde, ça tombe. Cette religion elle est complète. Et c'est un grand bienfait d'Allah sur nous. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. Le prophète عليه الصلاة والسلام, quelques semaines, quelques mois avant de décéder durant le Hajj, Hajjatul Wada', un des meilleurs jours de l'année, يوم عرفة, le jour de Arafa. Il a dit, il a transmis ce verset qu'Allah lui a révélé. Aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion. J'ai pas achevé pour vous votre religion. Complétez sur vous mon bienfait agréé comme religion pour vous l'islam. L'imam Malik rahimahullah ta'ala nous dit, ce qui ne faisait pas partie de la religion hier n'en fera pas partie aujourd'hui. Ce qui n'en faisait pas partie au temps des compagnons n'en fera pas partie aujourd'hui. Et il fait partie des pieux prédécesseurs. Que dire alors de nos jours? Car Allah nous informe qu'il a complété la religion. Donc celui qui prétend, c'est toujours la parole de l'imam Malik, من زعم أن في الإسلام سنة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. Celui qui prétend que dans l'islam il y a de bonnes innovations, c'est-à-dire dans la religion d'Allah, aura prétendu que Mohammed a trahi le message. Pourquoi? Parce qu'Allah nous informe que la religion elle est complète. Donc si tu dis qu'il y a de bonnes innovations, ça veut dire que tu as su une chose que le prophète n'a pas su, ou bien il l'a su mais il l'a caché. Les deux paroles ne sont pas acceptables. Parmi la voix des gens de la sunna donc, ils s'éloignent des gens de l'innovation. Ils n'aiment pas les gens de l'innovation. Ils ne prennent pas place avec les gens de l'innovation. Ils n'étudient pas auprès des gens de l'innovation. Ils n'écoutent pas les enseignements des gens de l'innovation. Car ces derniers ont manqué de respect à la mère des créatures, le mère des prophètes et messagers, le dernier des prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont pas respecté sa voix. Ils ont rajouté à sa voix. Ils ont contredit sa voix. Ils ont altéré sa voix. Et on en fait un chemin obligatoire à suivre, en dehors du ciel. Or, il n'y a pas de voie. Donc, yani qu'il est obligatoire de suivre, si ce n'est celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et personne n'a bon dans tous ses avis, si ce n'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et certains parmi les plus prédécesseurs, lorsque les gens de l'innovation venaient pour leur parler, ils leur disaient, laisse-moi te dire une parole, ils ne lui disaient même pas la moitié d'une. Laisse-moi te réciter un verset, ils lui disaient non. Et ils disaient à leurs enfants, mettez vos doigts dans vos oreilles et enfoncez-les bien fort afin de ne pas entendre leurs paroles. Et il disait, on a peur d'écouter les gens de l'innovation, de peur que nos cœurs flanchent et s'égarent. Car l'ambiguïté, elle entre rapidement. Mais pour la faire sortir du cœur, ça peut prendre un long moment si elle en sort avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui suivent les textes équivoques et qui entrent des ambiguïtés chez les croyants, le prophète alayhi salatu wa salam nous a avertis contre eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis contre eux. Et il nous a avertis que viendra dans le futur des gens qui vont dire des choses qu'on n'a pas entendues avant. Et il nous a informé des passions et des troubles qui auront lieu dans le hadith al-Irbad ibn Sari. Wa'adana Rasulullah maw'idatan baligha wajilat minha al قلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأن موعدة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a exhorté une exhortation telle qu'elle fit bouger les cœurs, couler les larmes. Nous lui dîmes, ô messager d'Allah, ceci ressemble à un serment d'adieu, fais-nous donc des recommandations. Je vous recommande d'écouter et d'obéir. Ou plutôt, je vous recommande la piété envers Allah. D'écouter et d'obéir à ceux qui détiennent le commandement parmi vous, même si c'est un serviteur. Accrochez-vous à ma sunna ainsi qu'à la sunna des califs bien guidés. Et faites attention, prenez garde aux nouveautés. Car toute nouveauté est innovation. Et toute innovation est égarement. Et dans une version, tout égarement mène en enfer. Et très souvent, le Jum'a, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans le Jum'a, dans la khutbah du Jum'a, Allah wa inna khayr al hadith kalamullah. Wa khayr al hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Wa kulla muhdathatin bid'a, kulla bid'atin dalala. Sachez que le meilleur récit est la parole d'Allah. Et la meilleure voie, la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que toute nouveauté est innovation, toute innovation mène en enfer. Non. Celui qui innove dans la religion d'Allah azzawajal a fait pire que les grands péchés. Dû aux passions. Comme le vol. Comme la fornication. Comme le mensonge. Car lui, il pense qu'il est sur la vérité. Donc il dénature la religion de l'intérieur. Puis il appelle les gens à ce faux. Alors que celui qui est dans les péchés, il sait qu'il est dans le faux. Et il espère se repentir plus tard. Quant à celui qui est dans l'innovation, il pense qu'il est sur la vérité. Et il voit la personne de la sunna comme un ennemi. Et il combat la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, d'où il l'ignore. Donc l'innovation est pire que les grands péchés. Parce que c'est relatif aux shubuhat, aux ambiguïtés du cœur. Ne voyez-vous pas les khawarij, la secte des khawarij? Il faut exploser des mosquées. Et ils assassinent les gens. Et ils disent, nous sommes fils abilillah. Ces gens-là sont des innovateurs. Ils ont été touchés par ces ambiguïtés. L'un d'entre eux pense se rapprocher d'Allah en tuant des gens, en faisant couler le sang d'innocents. L'innovation est pire que les grands péchés. Et la meilleure voie est la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on ne doit pas écouter les gens de l'innovation et on doit s'éloigner d'eux. Le 11e point, parmi la voie des gens de la sunna, tawqir ulama al-ummah wa ihtiramuhum wa dhikru mahasinihim wa ad-du'a lahum wa at-tatalmuz 'indahum aw ilayhim wa at-tarahum 'alayhim. Parmi les points des gens de la sunna, le fait qu'ils accordent une grande place à leurs savants, les savants de la sunna, ceux qui ont passé leur temps à l'étude du Coran, la parole d'Allah, à l'étude de la sunna, le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, ceux qui ont donné leur vie pour propager cet islam et l'enseigner, ceux dont ne comptent plus les heures passées à éduquer la communauté, on les considère, on les aime, on les mentionne en bien et on invoque Allah en leur faveur. Mais on n'a pas comme croyance qu'ils sont infaillibles. Et on n'a pas comme croyance qu'ils ont bon dans tous leurs avis. Et on n'a pas comme croyance qu'on doit les suivre dans tous leurs avis après le prophète alayhi salatu wassalam. Mais ils sont sujets à l'erreur. Mais on ajoute à cela qu'ils ne visent pas l'erreur. Et lorsqu'ils font un effort de réflexion et qu'ils tombent juste par l'aide d'Allah, ils ont des récompenses. Et lorsqu'ils se trompent, ils ont une récompense. Et la faute est pardonnée. A commencer par Sahaba radiallahu anhu. Puis At-Tabi'un, puis Atba'u At-Tabi'in. Puis les imams de l'islam qui sont venus après eux. Le 12e point, parmi la croyance des gens de la sunnah, l'iman bi karamati awliya illah. Ils ont foi au miracle qu'Allah accorde à certaines de ces créatures qui ne sont pas des prophètes, des signes extraordinaires. Ce sont des choses qu'Allah donne à certains de ses serviteurs qui sortent de l'ordinaire. Il accorde cela à autre que, il y en a certaines de ces créatures qui ne prétendent pas être des prophètes. Mais de par leur piété, Allah Azza wa Jal les assiste par des signes manifestes. Comme ça arrivait à Ashabul Kahf, par exemple dans Suratul Kahf. Naam, ces jeunes qu'Allah Azza wa Jal a mis donc dans cette caverne pendant plus de 300 ans et ensuite ils se sont levés comme s'ils étaient restés qu'une partie du jour. Naam. Et très nombreux sont ces points-là. Pour finir, je vais vous lire une partie ou vers un passage de la fin de l'Aqidatul Wasitiyya de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, que les savants qualifiaient, comme Ibn Uthaymin et autres, comme étant le meilleur muhtasar, le meilleur résumé, dans la aqidah de Ahli Sunnati wal Jama'a. On écoute l'adhan et ensuite on finit avec ce passage, inshallah. salon. Pour conclure, je vais me rappeler et vous lire un passage de la fin du très grand livre ô combien bénéfique, Al-Aqidatul Wasitiyya de Cheikh al-Islam Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam al-Harrani rahimahullah ta'ala. ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين يعتمد عليه في العلم والدين وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنا أو ظاهرا مما له تعلق بالدين والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة En plus de ces fondements, les gens de la sunna et de la jama'a du groupe commandent. Avant ça. La voix des gens de la sunna et de la jama'a du groupe consiste à observer les traditions transmises du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de façon apparente et cachée. À suivre le chemin des premiers prédécesseurs parmi les émigrés et les partisans, les habitants de Mecca et de Médine. Et à se conformer à la recommandation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Suivez ma tradition et celle des califs bien guidés. Après moi, accrochez-vous-y et mordez avec les mollets et prenez garde aux choses innovées, car toute innovation est égarement. Et ils sont conscients que la plus véridique des paroles est celle d'Allah et que la meilleure conduite, la meilleure voie est celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils préfèrent la parole d'Allah à toute autre parole du genre humain. Et font passer la conduite de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa voix avant tout autre. Voilà pourquoi ils sont appelés les gens du livre et de la sunna. Ils sont appelés aussi les gens de la jama'a, du groupe, car la jama'a est l'union et son contraire est la division. Bien que le terme jama'a soit devenu l'appellation donnée à tout groupe de personnes réunies. Le consensus est le troisième fondement sur lequel on s'appuie dans la science et la religion. C'est en vertu de ces trois fondements que les gens de la sunna et de la jama'a évaluent tous les actes et paroles des gens, cachés ou apparents, qui se rapportent à la religion. Le consensus observé est celui auquel se conforment les prédécesseurs vertueux. Car après eux, les divergences se sont multipliées et se sont répandues à travers la communauté. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous dit que le consensus est la troisième base. Mais que le consensus qu'on peut affirmer de manière, yani sans aucun doute, c'est le consensus des premières générations. Parce qu'après, l'islam s'est répandu au monde. ثُمَّهُمْ مَعَ هَذِي الْأُسُولِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ عَلَى مَا تُوجِبُهُ الشَّرِيعَةِ. En plus de ces fondements, donc ça c'est un autre fondement, les gens de la sunna, Il commande le convenable et interdise le blâmable selon les prescriptions de la loi islamique. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un mal, il le corrige. Et lorsqu'il y a un bien, il y invite les gens. Mais cette manière de corriger les gens et d'inviter les gens, c'est la manière enseignée dans le Coran et la Sunna. Pas selon les pasteurs, pas selon les groupes, mais en conformité avec le Coran et la Sunna. Entre dans les points de la Sunna, de la croyance des gens de la Sunna, et de, ou de la voix des gens de la Sunna. La parole du prophète alayhi salatu wa salam, « Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan, al-marsous, yashuddu ba'dhum ba'dhum. » Wa qawluh, « Mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim ka mathalil jasad, idha ashtaka minhu udhwun tada'alahu sa'irul jasadi bis sahari wal humma. » Les gens de la Sunna mentionnent également le bon comportement à vous et les nobles qualités et vertus. Le prophète sallam nous dit, le croyant est pour le croyant tel un édifice bien compact où chacune de ses parties soutient l'autre. Il dit également l'exemple du croyant dans leur affection, leur la miséricorde et compassion les uns envers les autres est pareil à un corps, un seul et même corps. Quand l'un de ses membres souffre, tout le corps y répond par la fièvre et l'insomnie. Ils incitent à maintenir le lien de parenté avec celui qui le rompt, à donner à celui qui nous prive, à pardonner à celui qui nous opprime. Ils ordonnent la piété filiale, le maintien des liens de parenté, le bon voisinage, la bienfaisance envers les orphelins, les pauvres, le voyageur de passage, ainsi que l'indulgence envers le servant. Ils interdisent par contre l'orgueil, la vanité, la transgression, l'arrogance envers les gens. À juste titre ou pas, ils ordonnent la haute moralité et interdisent ce qui en est dénué de valeur. Et tout ce qu'ils disent et font concerne ces points-ci et d'autres, ils le font conformément au livre et à la sunna, et leur voix est la religion de l'islam avec laquelle Allah a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé que sa communauté se divisera en 73 fractions, lesquelles iront toutes en enfer à l'exception d'une seule, à savoir la jama'a, le groupe, telle a été rapportée de lui dans un hadith. On demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala, après cette lecture et le résumé de la croyance des gens de la sunna, de nous joindre aux adeptes de la sunna, de nous permettre de vivre sur la sunna et de ne reprendre notre âme que sur la sunna. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya rahmatika nasta'in. Aslih sha'nana kulla wa la takilna ila anfusina tarfata 'ayn. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لأمهاتنا اللهم اغفر لأمهاتنا اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا وللمسلمين والمسلمات وللمؤمنين وللمؤمنات وللأحياء منهم والأموات وصل اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله الذي بنعمتي تتم الصالحات